Mais pour l'heure, rendez-vous avec X et Patrick Pénaud. C'était il y a quelques semaines, après avoir réalisé un enregistrement sur l'extraordinaire affaire du navire espion américain, le Pueblo, navire capturé par les Nord-Coréens, nous bavardions, Monsieur X et moi, et nous parlions de la guerre froide, et bien sûr de Berlin, la ville qui symbolisait le mieux la tension permanente qui existait entre l'Ouest et l'Est, puisqu'avant 1961, c'est-à-dire avant la construction du mur, les puissances de l'un et l'autre camp étaient encore au contact, physiquement au contact, alors que partout ailleurs, le rideau de fer imposait une stricte séparation entre les deux mondes. Presque 10 ans après la destruction du mur, 50 ans après le commencement de la guerre froide, on a du mal à imaginer ce qu'était à l'époque la vie à Berlin. À moins, bien sûr, de se replonger dans les romans de John le Carré. Monsieur X, c'est évident, a bien connu l'ex-capitale du Troisième Reich. C'est normal puisque Berlin était alors un nid d'espions. Et ce jour-là donc, évoquant les années grises de l'après-guerre, mon interlocuteur m'a proposé de me raconter prochainement un épisode inédit de la guerre froide. C'était, m'a-t-il dit, une période étrange où il existait encore des espions de conviction. Et j'ai cru déceler dans sa voix comme une certaine forme de nostalgie. Des espions de conviction, que voulait-il dire exactement? Et dans quel camp se trouvaient ces espions-là? Je l'ai appris cette semaine, en enregistrant une nouvelle fois les propos de Monsieur X. Nous nous retrouverons dans un court instant. Tinter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Berlin, dans les années 50, c'était un monde à part, une sorte d'îlot. Que voulez-vous dire, un îlot? À l'époque, il n'y avait pas de vraie frontière entre les secteurs de l'Ouest et celui de l'Est. C'est-à-dire entre les secteurs contrôlés par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, et puis celui contrôlé par les États-Unis. Oui, et puis on pouvait passer librement d'un secteur à l'autre. J'imagine qu'il devait quand même y avoir des contrôles. Bien sûr, mais en surface. Car il suffisait de prendre le métro pour traverser sans difficulté la limite théorique entre l'Ouest et l'Est. Dans ces conditions, vous le pensez bien, Berlin était un terrain de chasse idéal pour les espions de tout poil. Et vous-même? J'y suis allé, comme tout le monde. Pour les services français? Naturellement. Mais je dois reconnaître que les plus nombreux du côté occidental étaient les Américains et les Anglais. Et les Allemands de l'Ouest, qui sous la direction du général Galen réorganisaient leurs services. Mais nous en avons déjà parlé à propos de l'affaire Otto John. Oui, je me souviens, mais dans cette ville-là qui grouillait d'espions, quel était le but du jeu? Il s'agissait essentiellement de faire du débouchage. C'est-à-dire retourner des agents ennemis? C'est cela, oui, mais pas seulement des agents. Il fallait à tout prix recruter des fonctionnaires, des diplomates, des militaires. Et c'était extraordinairement compliqué. Pourquoi? Parce que les services, quels qu'ils fussent, n'étaient jamais à l'abri d'une manœuvre d'infiltration. C'est-à-dire de gens qui feignaient accepter d'être recrutés, mais qui en fait continuaient à travailler pour leur pays d'origine. Exactement. J'ajoute autre chose. Je vous ai dit qu'il était facile de passer d'un secteur à l'autre. Mais la frontière, si elle n'était pas toujours matérialisée, était aussi psychologique et économique. Attendez-là, expliquez. Il n'était pas très bien vu d'être remarqué dans un secteur hostile. De peur d'être suspecté de jouer un double jeu? C'est logique, non? Ouais, bon. Mais vous m'avez parlé aussi de raisons économiques. Le mark occidental valait beaucoup plus cher que le mark oriental. Par conséquent, il était difficile aux soviétiques des troupes d'occupation d'aller faire leur course à l'ouest. Ou d'aller s'y amuser dans les boîtes de nuit, car c'était cela. Aussi Berlin, un gigantesque lieu de plaisir. Ouais, pratiquement interdit aux soviétiques et aux Allemands de l'Est parce que trop cher. Voilà. Alors ça a forcément donné des idées à quelques petits malins. Mais qui? Les Anglais, par exemple. Nos amis du MI6 ont imaginé un stratagème pour attirer les Russes. Ils les recrutaient? Bien sûr. Oui. Les Anglais savaient que les produits occidentaux faisaient rêver les Soviétiques. Mais quoi, par exemple? Quels produits? Les bas, les montres, les sous-vêtements féminins de luxe. Alors avec l'aide de quelques trafiquants locaux, ils ont purement et simplement créé un magasin clandestin à l'intention de ces envieux. Mais comment ça fonctionnait ça... C'était très simple. Le MI6 a loué un très bel appartement, non loin de la zone soviétique. et il y a installé ce magasin clandestin où l'on pouvait acquérir des produits de luxe introuvables à l'Est à des prix défiant toute concurrence. Et comment les clients ont-ils été trouvés? Grâce à des rabatteurs, enfin si j'osais, je dirais des rabatteuses. Des prostituées? Ou des entraîneuses, enfin des filles qui travaillaient dans les établissements situés à l'Est. Oui, c'était en effet assez bien vu, mais alors, quand le client russe était ferré, comment ça se passait? Une fois arrivé dans ce magasin clandestin, le type était traité avec prévenance. On lui consentait des tarifs extraordinaires, des crédits même s'il le fallait. Puis à la visite suivante, comme par hasard, un autre homme était présent. Un agent anglais? Bien entendu, et le vrai travail commençait. C'est-à-dire? Il fallait se débrouiller pour mettre le russe en confiance, faire ami-ami avec lui, découvrir ses goûts, ses vices. Et ensuite en faire un agent. Exactement. Et ça a marché? Autant que je le sache, pas beaucoup. Pour quelle raison? Les Russes n'étaient quand même pas des enfants de cœur. Dire que la ficelle était trop grosse? Sans doute, oui. Faut pas oublier que les Soviétiques étaient très surveillés. Échec, donc. Oui, je peux même vous livrer une anecdote assez croustillante. Allez-y. Un jour, les Anglais ont cru avoir une touche sérieuse. Mais qui? Une Soviétique assez jolie, mais après enquête, il s'est révélé que cette jeune personne n'était nullement russe, mais travaillait en réalité pour la CIA. Et la CIA qui avait essayé de percer les secrets de ce faux magasin? Oui, la concurrence existait entre les services même alliés. L'aventure s'est donc terminée. Mais pas la chasse aux renseignements. Elle va même prendre un aspect spectaculaire. Mais avant de vous raconter ça par le détail, il faut que je vous parle d'un personnage tout à fait exceptionnel. George Black, ça vous dit quelque chose? Oui, je crois que c'était un Anglais qui travaillait pour Moscou. Vous avez raison, Black a sans doute été l'un des espions les plus importants de ce siècle. Celui aussi qui a fait le plus de dégâts dans les services occidentaux. Parce que c'était un agent double. Oui, George Black était un homme des services secrets anglais où il occupait d'importantes fonctions. Et depuis longtemps, il avait été recruté par les Soviétiques. Et il leur a livré une somme considérable de renseignements. Au fond, c'était une sorte de filmie. Oui, c'est à peu près cela. Oui, je ne veux pas apparaître comme anglophobe. Mais il me semble que c'était une sorte de spécialité anglaise, non? La duplicité, vous voulez dire? Oui, en vous écoutant ou en lisant des livres consacrés à l'espionnage, on a l'impression que les services anglais ont été en permanence confrontés à ce genre d'infiltration. D'accord, mais qui vous dit que ce n'était pas le cas d'autres services? Chez nous aussi? Bien sûr. La différence, elle est de taille, c'est que nous n'avons pas pu ou pas voulu découvrir les types de chez nous qui travaillaient pour les Soviétiques. Et vous insinuez que... Je n'insinue rien du tout. Mais vous savez fort bien que pendant longtemps, on a soupçonné que dans nos services, il y avait des agents doubles. Oui, même à l'Élysée du nom du général de Gaulle. C'est exact. On s'est demandé à l'époque si la propagation de cette rumeur n'était pas un mauvais coup des Américains irrités par la politique anti-OTAN du général. Encore exact, mais si vous le voulez bien, revenons à George Black. Alors, parlez-moi de ce personnage, qui était-il? Ou plutôt, qui est-il? Car il n'y a pas encore si longtemps, il se trouvait toujours en Russie, il était bien vivant. Black a eu une vie assez étonnante, et pour le moins mouvementée. Il est né au début des années 20, en Hollande. Ses parents étaient hollandais? Sa mère, oui, mais pas son père. Albert Béard, c'était le nom de son père, avait lui-même mené une existence assez aventureuse. Fils d'un riche marchand juif de Smyrne, installé au Caire, Béard, sujet britannique, fait la guerre de 14-18 dans notre légion étrangère, puis dans l'armée anglaise. Plusieurs fois blessé et décoré, il se fixe après la guerre aux Pays-Bas. C'est là où il va rencontrer sa future épouse. Oui, il a juste le temps de lui faire 3 enfants et il quitte le foyer conjugal. Et où va-t-il? Ça, je ne sais pas exactement, mais il meurt en 1936 à Rotterdam à l'âge de 45 ans. Sans ressources, la mère de Georges décide alors de confier son fils à la famille de son mari en Égypte. Ah, d'accord, mais alors ce nom de Blake... C'est celui du deuxième mari de sa mère, un Anglais. Bien. Donc, Blake est envoyé en Égypte. Là-bas, il est recueilli par une tante, une femme qui est mariée à un richissime banquier, un certain Curiel. Curiel, le père d'Henri Curiel? Lui-même. Nous avons parlé de cet homme exceptionnel il n'y a pas si longtemps. Ah oui, Curiel, il faut le rappeler, a été assassiné en France il y a une vingtaine d'années. En 1978, exactement. Ce dirigeant révolutionnaire gênait beaucoup de monde, mais n'y en ont pas. Attendez quand même, on a prétendu que Curiel était un agent du KGB. Oui, avant sa mort. Une véritable campagne de presse a même été organisée contre lui, mais je crois avoir fait litière de ces accusations. Oui, oui. Ce qui est exact par contre, c'est que Curiel a été le fondateur du Parti communiste égyptien. Mais dans notre histoire, l'important n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est l'important? Plus tard, il a été tentant de prétendre que Blake avait été recruté par son cousin Curiel. Recruté comme agent du KGB? Bien entendu, mais Blake, lorsqu'il a rencontré Curiel, n'avait que 14 ans. Un petit peu jeune quand même pour en faire un agent, non? Ouais. D'autre part, il n'a séjourné au total qu'un peu plus de 2 ans en Égypte. Oui, mais cet adolescent a pu être idéologiquement influencé par Curiel, qui était plus âgé que lui et qui était surtout extrêmement brillant. C'est possible, c'est même très plausible. Curiel a dû être une sorte de grand frère pour George Blake, mais n'exagérons pas. Ben, je veux encore une fois, moi, me faire l'avocat du diable. Blake a pu ensuite rester en relation avec son cousin. C'est juste, mais je vous l'assure, Blake n'avait nul besoin de Curiel pour devenir un agent double. Parce que je vais vous le montrer, Blake n'était pas un espion comme les autres, lui. Il est devenu espion par conviction. Georges Suffer, le journaliste qui est à l'origine de la campagne de presse désignant Curiel comme un homme du KGB, a publié dans Le Point, en 1977, un long article sur George Blake. Il affirme que lors de son séjour en Égypte, l'adolescent a été fasciné par son cousin. George, désormais, n'aura de cesse de devenir l'émule d'Henri Curiel. Et soulignant que sa parenté avec son cousin n'est curieusement jamais apparue dans son dossier de l'intelligence service, il conclut son papier ainsi. Henri Curiel est la pièce manquante du puzzle de la trahison de George Blake, l'une des clés secrètes du plus formidable bluff de l'histoire du renseignement et d'une énigme toujours en cours. George Blake, à Moscou, et Henri Curiel, à Paris, sont-ils toujours liés, toujours opérationnels pour la pénétration des groupuscules marginaux ou terroristes au sein du tiers-monde ? Ce n'est peut-être pas par hasard que George Blake a été aidé dans sa fuite par Sean Bourke, terroriste de l'IRA, et qu'Henri Curiel s'est occupé spécialement de la subversion en Irlande. Amer paradoxe tout de même au terme. C'est finalement le disciple fasciné à l'âge de 14 ans qui est aujourd'hui l'officier traitant et le maître d'hier, le manipulé. George Blake, le marginal, est à Moscou, tranquille, honoré, décoré. Il est chez lui. Des voyageurs l'ont vu se promener librement en plein jour. Henri Curiel, lui, reste dans l'ombre. Cet article, je vous le rappelle, a été écrit en 1977, 11 mois avant l'assassinat de Curiel. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, Blake se trouve en vacances chez sa mère. À Hollande, donc. Oui, et le jeune homme n'hésite pas une seconde. En tant que sujet britannique, il est interné quelques semaines par l'occupant. Mais dès sa libération, il s'engage dans la résistance. Mais c'est courageux parce que quoi, il a tout juste 18 ans, non ? Oui, mais vous avez raison, on peut faire beaucoup de reproches à Blake. Mais certainement pas celui d'être un lâche. Il faut souligner qu'il était à demi-juif et qu'il prenait encore plus de risques que les autres. Et ensuite, après la résistance... Il passe en France, prend contact avec des résistants, réussit à franchir les Pyrénées, mais se fait arrêter par la police espagnole. Enfin, après pas mal de mésaventures, il parvient à gagner l'Angleterre. Est-ce qu'il est dans l'intention de combattre ? Naturellement. Et après avoir rempli je ne sais combien de dossiers et répondu à plusieurs interrogatoires, Blake est incorporé dans la marine, où il reçoit une formation d'officier. Et on est en quelle année, là ? Fin 1943, je crois. Ennemi officier, George Blake demande à rejoindre les services secrets. Ça amène de l'eau au moulin des partisans de la thèse selon laquelle Blake aurait été recruté par son cousin Curiel. Non. Si Blake demande cette affectation, c'est tout simplement parce qu'il désire devenir agent de liaison entre Londres et la résistance hollandaise. Et d'ailleurs, il va subir un sévère entraînement de parachutisme. Il est admis dans les services secrets ? Exactement, dans le Secret Intelligence Service, qu'on appelle aussi le MI6. Mais dans ces derniers mois de la guerre, Blake ne pourra pas réaliser son rêve, sauter au-dessus de la Hollande. Et quand il arrivera enfin dans son pays natal pour y installer une antenne du service secret, les Pays-Bas auront déjà été libérés. Trop tard donc. Et ensuite, que devient-il ? Blake apprend son métier. Son métier d'agent secret ? Oui. Puis il est envoyé en Allemagne, occupé, et là, il s'occupe de monter un réseau de renseignements chargé d'espionner les soviétiques présents dans l'autre Allemagne, celle de l'Est. Oui. Et là, selon vous, il n'a toujours pas été recruté par le KGB ? Non. Officier permanent du MI6, il va suivre ensuite des cours de russe à Cambridge. Cambridge, mais décidément, cette université a joué un grand rôle dans l'histoire de l'espionnage, puisque c'est à Cambridge qu'ont été recrutés Philby et les autres. Tout à fait. Une parenthèse. En 1990, George Blake, qui résidait alors en URSS, a publié un livre de mémoire, Une vie d'espion, publié en France chez Stock. J'en extrais ce passage très intéressant. Je considère le temps que je passais à Cambridge comme un des tournants de mon existence qui m'ouvrit de nouveaux horizons. J'acquis la clé des trésors de la littérature russe. Je commençais à mieux comprendre le peuple russe et à me prendre d'intérêt et de sympathie pour ses coutumes et ses traditions. Jusqu'alors, je n'avais guère fait de distinction entre les notions de russe et de soviétique. Je voyais les Russes comme des semi-barbares opprimés par une dictature impitoyable et athée qui persécutait sans relâche tous les chrétiens. Pendant la guerre, j'avais bien sûr regardé l'Union soviétique avec espoir. J'avais admiré son esprit combatif et salué ses victoires, conscient que les combats sur le front de l'Est auraient une influence décisive sur l'issue de la guerre. Mais ces sentiments étaient d'une part mêlés de peur et d'antipathie pour le communisme, d'autre part dénués de toute affection particulière pour le peuple russe. Il semble donc, et Blake, en 1990, n'avait aucune raison de mentir, que le futur agent double était encore loin d'avoir fait sa révolution culturelle. Quand sa formation a été terminée, Blake a été nommé à Séoul, en Corée du Sud. En tant qu'agent secret. Oui, sous couverture diplomatique, bien sûr. Il était alors officiellement vice-consul. Dites-moi, en partant pour l'Extrême-Orient, n'a-t-il pas fait escale au Caire? Décidément, vous y tenez. Bien oui, Blake s'est arrêté au Caire pour visiter sa famille égyptienne, mais à l'époque, Curiel était en prison. Vous êtes satisfait? C'était une simple question. Continuez, je vous en prie. Séoul est alors un des points chauds du globe. La guerre de Corée. Elle n'avait pas encore éclaté. Mais après la prise du pouvoir de Mao en Chine, on s'attendait à tout moment à ce que les troupes du Nord envahissent la Corée du Sud. D'autre part, Séoul n'était guère éloigné de Vladivostok. Et l'une des missions de Blake consistait à recueillir des informations sur les installations militaires de ces provinces maritimes de l'URSS. Mais quand la guerre arrive, enfin que se passe-t-il? Attendez, je voudrais ajouter quelque chose. À Séoul, Blake est profondément marqué par ce qu'il voit. C'est-à-dire? La corruption du régime, les méthodes brutales de la police. D'accord, alors la guerre. Blake, comme d'autres diplomates ou agents, est pris au piège dans Séoul, rapidement conquise par les troupes nord-coréennes. Il est fait prisonnier? Oui. Et malgré une tentative d'évasion, il va rester 3 ans aux mains des communistes. 3 années très dures dans un camp où on n'est pas particulièrement tendre avec les représentants de l'impérialisme, comme on dit à l'époque. Si Blake, à ce moment-là, avait déjà été un agent de l'Est, pensez-vous qu'il aurait été traité de cette façon? Effectivement, non. Encore qu'il y a pu avoir manipulation, dissimulation... Non. Dans ce cas, on serait débrouillé pour que Blake s'évade. Mais oui, mais s'il a été traité aussi durement que vous le prétendez... ça a dû aussi lui ouvrir les yeux sur la réalité du monde communiste, non? Pas du tout. Blake, pendant sa longue captivité, réfléchit, lit. Si ses geôliers sont aussi impitoyables, c'est à cause de la guerre. Une guerre impitoyable, meurtrière, une guerre dont il attribue la responsabilité aux États-Unis. Il est victime du syndrome de Stockholm. Bof. Qui fait, rappelons-le, qui fait que les otages finissent par éprouver de la sympathie pour ceux qui les détiennent. Bon, honnêtement, non, je ne crois pas. Alors, il a peut-être subi un lavage de cerveau. Ça, c'est possible. En tout cas, alors qu'il est encore prisonnier, Blake fait passer une lettre aux représentants soviétiques en Corée du Nord. Une lettre, une offre de service? Oui. Et elle est acceptée? Assez rapidement. Pour le KGB, Blake peut être une recrue de choix. Mais très intelligemment, on se garde bien de le faire libérer prématurément. Ouais, pour ne pas éveiller des soupçons de la part de ses employeurs britanniques. Bien évidemment. Et quand enfin George Blake est libéré et peut rejoindre la Grande-Bretagne, il est accueilli en héros dans le pays et son service. Et il reprend son boulot d'agent? Naturellement, il est nommé à Berlin. Nous y voilà enfin. Alors, c'est en quelle année ça, Berlin? 1955. Et Blake va alors pouvoir donner la mesure de ses talents pour le plus grand profit de ses nouveaux employeurs. Dans le livre de mémoire déjà cité, George Blake explique longuement le cheminement de sa pensée pendant sa captivité en Corée du Nord, alors qu'il est déjà convaincu de la justesse des thèses marxistes. Je le cite à nouveau. La question qu'il me fallait maintenant examiner, c'était quelle action choisir? Il me semblait que dans la situation particulière où je me trouvais, 3 voies s'ouvraient à moi. Premièrement, je pouvais demander l'autorisation de rester en Corée du Nord quand la guerre serait terminée pour aider à la reconstruction de ce pays. Deuxièmement, je pouvais retourner en Angleterre, démissionner du service, m'inscrire au Parti communiste et vendre le Daily Worker ou faire un autre travail de propagande de ce genre. Troisièmement, je pouvais utiliser ma position au SIS pour transmettre à l'Union soviétique des renseignements qui passaient à ma portée sur les opérations menées par le SIS et d'autres services de renseignements occidentaux contre ce pays, contre ceux du bloc socialiste et contre le mouvement révolutionnaire mondial, et ce faisant, les condamner à l'échec. George Blake, on le sait, va choisir la troisième solution, cas de conscience. Je me rendais compte que j'allais trahir la confiance que l'on avait mise en moi, trahir mes amis et mes collègues du service. Je savais aussi que j'allais trahir le pays à qui je devais fidélité. Je soupesais tout cela, et au bout du compte, j'estimais que je devais assumer cette culpabilité si lourde qu'elle fût. Être dans une position où l'on peut prêter assistance à une si grande cause et ne pas le faire serait encore plus répréhensible. Une question avant de reprendre là. À Berlin, vous auriez pu rencontrer Blake. Mais je l'ai rencontré. Ah bon ? C'était un personnage très sympathique, très ouvert, joyeux luron même. Et vous, vous n'avez eu aucun soupçon ? Aucun, non. À ma connaissance, Blake était un très bon agent anglais qui fournissait un matériel de grande qualité à ses employeurs. En tout cas, c'est ce que nous pouvions constater, nous, Français, quand nos bons amis anglais daignaient nous informer. Enfin, passons. Et puis, comment aurais-je pu nourrir le moindre soupçon alors même que ses chefs lui faisaient une entière confiance ? Ce matériel de grande qualité, là, comme vous dites, ça consistait en quoi ? Blake avait mis au point un système très intelligent. Un agent n'a d'existence que s'il renseigne parfaitement le service auquel il appartient. Encore qu'à l'occasion, vous m'avez parlé d'agents qui inventaient purement et simplement. C'est vrai. Enfin, Blake était un type sérieux. Et s'il voulait rester crédible, il lui fallait apporter du solide. Alors il s'en est ouvert à son officier traitant du KGB. Et celui-ci lui avait désigné un fonctionnaire soviétique installé à Berlin. Un homme qui serait désormais sa taupe. C'est une fausse ou une vraie taupe ? Une vraie. C'est ça qui est extraordinaire. Ce fonctionnaire soviétique dont le nom de code était Boris n'a jamais su qu'il communiquait des informations à un agent double. C'est un peu compliqué. Pas du tout. C'était au contraire extrêmement intelligent. En cas de pépin, si par exemple ce fonctionnaire décidait de faire défection et de passer à l'ouest, Blake ne pouvait pas être soupçonné, puisque pour lui, Blake était un agent anglais. Oui, je commence à comprendre. C'est subtil. Hein? Alors, venons-en à ce qui a sans doute été le couronnement de la carrière de Blake, l'opération Gold. Alors, de quoi s'agit-il ? Quand on veut recueillir des informations, on s'adresse aux hommes ou bien on utilise la technique. C'est souvent le cas aujourd'hui avec les satellites espions. Mais à l'époque, déjà, on y pensait sérieusement. Et à Vienne, quelques temps plus tôt, les Occidentaux avaient réussi à mettre sur écoute les communications soviétiques dans la capitale autrichienne. Et c'est à partir de cet exemple qu'ils ont imaginé l'opération Gold, la construction d'un tunnel sous Berlin-Est. Ni plus ni moins. Oui, un tunnel de 500 mètres de long qui aboutissait jusqu'au complexe militaire soviétique de Karlshorst, qui abritait le quartier général du renseignement. Mais ce tunnel a vraiment existé ? Tout à fait. Il a été construit par les Britanniques avec l'assistance technique et financière des Américains. Le but, c'était de pirater les communications des Soviétiques en plaçant des bretelles sur leur ligne téléphonique souterraine. Ah, effectivement, c'était une opération assez extraordinaire. Et qui a fourni pendant plus d'un an une masse énorme de renseignements occidentaux. Mmh. Et vous avez dit que le tunnel avait été creusé par les Anglais. Alors Blake, qui était en poste à Berlin, a donc dû en avoir connaissance. Non seulement il en a eu connaissance, mais il a été l'un des artisans de sa construction. Mais comme c'était un agent double, il a dû forcément avertir son correspondant du KGB. Bien sûr. Donc les Russes savaient. Et oui, et pour eux c'était formidable. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, voyons comment l'opération Gold a pris fin, officiellement en tout cas. Ah, alors d'accord, venons-en à la version officielle. Un jour d'avril 1956, les Soviétiques constatent des dysfonctionnements sur la ligne téléphonique du quartier général de Karlshorst. Ils font des vérifications et patatras, ils découvrent le poteau rose. C'est-à-dire le tunnel ? Le tunnel, oui, et les installations d'écoute. Des bretelles qui ont perturbé le fonctionnement des lignes. Et en suivant le tunnel, ils s'aperçoivent que la galerie conduit jusque dans le secteur américain. Aussitôt, ils décident d'exploiter cette découverte, convoquent une conférence de presse, invitent les journalistes à déambuler eux-mêmes dans le tunnel. C'est un énorme succès pour la propagande soviétique qui a beau jeu de dénoncer les manœuvres d'espionnage de la CIA. Ouais, joli coup, en effet, mais alors la vérité maintenant. Connaissant l'existence du tunnel depuis le début, les Russes, vous le pensez bien, pouvaient choisir le moment qui leur convenait pour rendre publique son existence. Ah, on s'étonne même qu'ils aient attendu si longtemps. Hein. Ah non, c'est vraiment long. Non. Ce tunnel leur servait, au contraire. Expliquer. Sachant espionner, ils pouvaient intoxiquer les Occidentaux à loisir. C'est-à-dire en leur livrant de vraies fausses informations. Bien entendu. Et ils ne s'en sont pas privés. Enfin, tout a une fin. Un jour ou l'autre, les Anglais et les Américains pouvaient avoir la puce à l'oreille. Et donc découvrir qu'ils étaient intoxiqués. Oui. Et les Soviétiques ont décidé de siffler la fin de la partie tout en transformant la découverte du tunnel en formidable opération de propagande. Mais il leur fallait être très habiles. Pourquoi ? La priorité pour les Russes, c'était d'abord de protéger Blake. Un service secret n'a pas souvent l'occasion d'avoir un agent infiltré au sein même de la citadelle ennemie. Donc il fallait à tout prix que Blake ne soit jamais soupçonné. La découverte du tunnel devait donc être accidentelle. Je me suis référé une nouvelle fois aux mémoires de Blake et j'y lis ceci. Pour ma part, j'avais naturellement suivi avec une certaine anxiété les développements dont je savais qu'ils ne manqueraient pas de se produire. Je guettais le moindre signe de soupçon de la part du SIS ou de la CIA que les Soviétiques avaient pu être renseignés. Mais la découverte avait été mise en scène avec une telle habileté qu'une enquête menée peu après conjointement par le SIS et la CIA sur les circonstances entourant la fin de l'opération aboutit à la conclusion que la cause en était d'ordre purement technique et qu'il n'était pas question de fuite. Ce que le KGB avait fait, c'était d'attendre qu'une réelle défaillance se produisît sur un câble, d'où l'inspection qui fournit aux équipes de transmission, apparemment de bonne foi, une raison de découvrir l'écoute téléphonique. Comme les Américains surveillaient le câble, eux aussi étaient au courant de cette défaillance. Aussi ont-ils considéré l'intervention soviétique comme parfaitement logique. George Blake est donc passé à travers les mailles du filet. Tout à fait. Et après l'épisode du tunnel, il a continué à faire son petit boulot d'agent double. Oui, mais il a quand même fini par être démasqué. C'est exact, à cause d'un transfuge polonais passé à la CIA, c'était en 1961. Oui, donc plus de 5 ans après l'histoire du tunnel. Il est donc arrêté, jugé... Et au cours du procès, il ne fait pas mystère de son travail d'agent double, bien au contraire. Il se félicite en tant que marxiste convaincu d'avoir pu aider l'URSS. Il est lourdement condamné ? 42 ans de prison. Ah ben. Et il est enfermé dans une des prisons les plus étroitement surveillées du royaume, Wormwood Scrubs. Mais il était dit que Blake n'était décidément pas un homme comme les autres, car en 1967, il réussit à s'évader. Et comment ? Grâce à l'ancien détenu qui aurait appartenu à l'IRA. Mais pour ma part, j'avoue que j'ai toujours nourri des doutes sur cette évasion. Vous pensez qu'elle aurait pu être organisée par quelqu'un d'autre ? Les Russes, par exemple ? Non. Je me demande si les autorités anglaises n'ont pas fermé les yeux. Vous savez bien qu'un espion arrêté sert souvent de monnaie d'échange pour obtenir la libération d'autres agents détenus par l'adversaire. Blake aurait donc pu s'échapper à la faveur d'un tel marché. Il n'y a pas de preuve, mais c'est tout à fait possible. Alors qu'est-il advenu ? Blake a tranquillement rejoint l'URSS, où il vit peut-être toujours protégé par le service secret qui a pris la suite du KGB. Espion retraité. En quelque sorte, oui. Les Soviétiques et les Russes, aujourd'hui, ont toujours accueilli avec beaucoup de chaleur les Occidentaux qui les avaient servis. J'ajoute que Blake a été décoré de l'ordre du drapeau rouge, une distinction qui n'est décernée qu'aux plus valeureux des combattants. Une preuve supplémentaire qui prouve que Blake a certainement été l'un des espions soviétiques les plus importants de ce siècle. Je ne veux pas noircir le tableau, mais Blake, espion par conviction, a sans doute été aussi à l'origine de l'arrestation de plusieurs dizaines d'agents de l'Est qui travaillaient pour les Américains ou les Anglais. Je lis par exemple dans l'ouvrage de Christopher Andrew et Oleg Gordievsky, Le KGB dans le monde, ces quelques lignes. Au cours des 4 ans qu'il passa à Berlin, Blake donna plusieurs agents britanniques et américains, parmi lesquels le général de division Robert Bialek du service de la sécurité d'État, SSD, de la RDA, qui avait fait défection en 1953, vivait à Berlin-Ouest sous une identité d'emprunt. Un soir de février 1956, alors qu'il promenait son chien, il fut brutalement jeté dans une voiture, ramené au quartier général du SSD à Berlin-Est et exécuté. Blake trahit aussi le lieutenant-colonel du GRU, les services secrets de l'armée soviétique, Piotr Popov, qui était devenue en 1953 la plus importante taupe de la CIA dans le service de renseignement soviétique. En 1959, quelques mois après le retour de Blake à Londres, Popov fut arrêté par le KGB. Son procès secret eut lieu en 1963 dans la grande salle du mess des officiers du KGB. toutes les dépositions, y compris celles de Popov, furent soigneusement répétées avant l'ouverture des débats, et la procédure dura moins de 2 heures. Popov passa devant un peloton d'exécution. Pour sa part, Blake, s'il n'a pas nié ces dénonciations, qu'il estime à 400, affirme qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à des peines de mort. C'est ce qu'il avait exigé du KGB. Mais les soviétiques étaient-ils tenus de respecter leur engagement ? Un dernier point plutôt pittoresque. C'est en 1990 que Blake publie ses mémoires en Occident et en particulier en Angleterre. Le gouvernement britannique veut l'empêcher de toucher ses droits d'auteur au motif que dans cet ouvrage, Blake trahit des secrets de l'intelligence service. Un procès a lieu, mais le juge estime que Blake, ayant reconnu sa trahison, ne peut être tenu au silence à vie. Le gouvernement est donc débouté. À samedi prochain.